entrer dans nos âmes, comme on soigne une blessure, à amplifier le drame, comme le vent dans la volure. Elle est tombée sous le charme de nos cris dans la brume, nous inondant de larmes pour partir. Elle est là, tout près de toi, tout près de moi. La vie, l'aventure, la vie, l'aventure. Elle a pris la femme comme l'homme aussi sûr, s'immisçant dans les lames de leur maman, de leur aventure. Comme l'homme aussi sûr, c'est